بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, celui qui fait largement miséricorde. قل أعوذ برب الفلق. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. من شر ما خلق. Contre le mal émanant des êtres qu'il a créés. Contre le mal de la nuit lorsqu'elle s'obscurcit. Contre le mal des sorcières qui soufflent sur les nœuds. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Et contre le mal de l'envieux lorsqu'il manifeste sa jalousie.